a connu des bas, on a connu des hauts. On a versé des larmes et balancé des mots. Il a fallu qu'on se déchire pour mieux se retrouver. Je pourrais dire je t'aime, mais je préfère le prouver. Quand j'étais avec l'autre et que t'étais avec l'autre, on savait tous les deux, on n'avait aucun doute. Et puis le temps est passé et t'as pris mon petit cœur cassé et t'as tout remplacé. Allez viens, combien de temps je souris dans tes bras. Je sais même pas quoi répondre, parce que j'ai l'impression d'avoir toujours été moi. Quand tu étais près de moi, même quand j'étais près de l'autre. Et même si je perdais tout ce que j'ai, j'aurais tout ce que je veux dans tes yeux. Et si je pouvais refaire toute l'histoire, je n'y changerais rien, à part peut-être un truc ou deux.